la griffe de l'aigle. Il est entré dans ma vie comme un éclair, une flèche lancée de l'arc du hasard, et seule la musique peut apaiser la faim que j'ai de soleil, d'orage, de ciel bleu nuit. Il a dessiné par ses couleurs une toile magnifique, un tatouage couleur de notre sang entre ma nuque et sa bouche. Pour lui, je suis devenue un instant volé au mystère, la terre qui nourrit le corps, l'esprit et l'âme. Et dans un rêve où le destin n'a pas sa place, la flèche s'est plantée à l'envers en direction des astres. Comme un cactus sans épines au milieu du désert, je bois à la source même de notre existence. Kanakutwenta Asino, gardien de la terre. Ma pensée est intimement liée à la terre. De ses entrailles, j'ai goûté à la vie. Elle m'a plongé dans les eaux profondes de son sein maternel pour que je sente les battements de son cœur, même lorsque je dors. À travers mes rêves, ma mère, la terre, m'emmène dans l'autre monde. Je voyage avec le grand esprit éternel sur le dos de l'aigle. J'entends une voix qui me dit: tu es de la race rouge. Par ton sang coulera le prix de la liberté. Garde mon cœur intact. Il respire à peine. Sauve-moi. Witi Cheti Herko Inyoyan. Tepesi Nataka Chihuan Kapetaguma. Herko Tan Herko Nepoten. Dans le puits inépuisable de mon silence, j'ai retrouvé le sourire de mon enfance. Un puits dans lequel je m'étais noyée, où toute ma vie serait partie en fumée si je ne m'étais pas réveillée. Kwe watman, watenman, kwe watenman goyan, cheti herk moteyan. Et puis vint un jour où je vis la lumière, une lumière qui m'a invitée à me pardonner. Et même si l'on dit que le bonheur est éphémère, j'ai effacé de mon esprit le corridor sombre de mon passé pour faire place à la lumière. Herk, herk, tokwan, nmerkanam. Herk, herk, tchenwo, tchepontean. J'ai encore beaucoup de corridors à parcourir avant d'atteindre le petit sentier de terre tracé par le Créateur, notre unique Père. Aujourd'hui, chaque jour de ma vie commence par la prière. Inan inot keihuinagoya.